Coran. Coran. Al-Qur'an. Le Coran est la parole inimitable d'Allah révélée au dernier prophète et messager, Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, par l'intermédiaire de Gabriel, Jibril, sur lui la paix, l'esprit digne de confiance. Le Coran est constitué de 114 sourates. Il commence par la sourate Al-Fatiha, l'ouverture, et se termine par la sourate Al-Nas, les hommes. Le Coran possède d'autres noms, notamment Al-Furqan, le discernement, Al-Kitab, le livre, Al-Dhikr, le rappel. Les meilleurs des musulmans sont ceux qui l'apprennent et l'enseignent aux autres. Quiconque en récite une lettre sera crédité d'une récompense, et chaque récompense est démultipliée. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a décrit la personne qui ne connaît rien du Coran comme une maison en ruine et déserte. Allah le Très-Haut a révélé le Coran comme un guide, une miséricorde et une guérison pour les croyants. Il est aussi un miracle qui prouve que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fut véridique. Allah le Très-Haut dit: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils n'y parviendraient pas, même s'ils se soutenaient mutuellement les uns les autres. Sourate Le Voyage Nocturne, verset 88. Après la falsification des écritures anciennes, comme la Torah et l'Évangile, le Coran est venu rétablir le message originel et véritable de l'islam, en confirmant ce qui dans ses écritures antérieures est vrai et infirmant ce qui est faux. Bien que certaines de ces écritures soient toujours présentes, elles ne le sont pas dans leur forme originelle du fait des omissions et des rajouts qui ont été glissés par les hommes. Le Coran est la seule écriture divine qui a passé l'épreuve du temps, car il est la vérité émanant d'Allah qui lui-même s'est chargé de le préserver. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. C'est nous, en vérité, qui avons révélé le rappel, le Coran, et c'est nous qui le préservons. Sourate Al-Hijr, verset 9. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. En vérité, c'est un livre honorable et bien préservé. Il est inaccessible à toute erreur, d'où qu'elle vienne. Il a été révélé par celui qui est sage et digne de louange. Sourate Les Versets Détaillés, versets 41 et 42. Le Coran a été consigné en entier du vivant du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur des feuilles de palmier, des parchemins et des eaux. De plus, des dizaines de milliers de compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'ont appris par cœur, exactement comme il a été révélé. Le Coran est toujours mémorisé, lu dans son langage original, l'arabe, enseigné et étudié par des millions de personnes dans le monde entier. Nul autre livre, religieux ou autre, dans l'histoire, n'a bénéficié d'une telle attention et d'un tel soin. Le Coran est parfait uniquement sous sa forme révélée, en arabe. Les traductions sont le résultat d'un effort humain imparfait. Il manque au traducteur ce style inimitable qui se trouve originellement dans le Coran en arabe. Par conséquent, les traductions ne sont que des commentaires du Coran ou encore des traductions des significations du Coran, mais non le Coran en tant que tel.